je suis dans la rue. Je retourne seule chez moi. Une autre nuit a passé nu, écroulé en tes bras. Si seulement j'avais su, ça finirait comme ça. Peut-être j'aurais pu te résister cette fois. Parce qu'on sait bien que je suis diable. Pas d'espoir, et je me mets à boire et attendre la terreur, et à voir passer les heures, à voir battre mon cœur au point que je sais pas que ma vie devienne cette histoire. C'était mon pire cauchemar, et je ne veux pas le croire. Alors je me dis que c'est fini. Je vois dans le reflet une fille qui a changé et qui je ne connais pas, qui se laisse emmener par un gars qui en sait rien, la vie entre ses mains, mais au moins c'est pas la mort. C'est pas la mort, c'est encore pire de vivre dans un délire, de votre nom de te le dire, que cet homme il m'enivre et que je me jette dans la danse. C'est bien, je n'ai qu'une chance. Tu me donnes pas d'espoir. Et je me mets à boire et attendre la terreur. Et à voir passer les heures. Et à voir battre mon cœur. Au point que je sais pas que ma vie devienne cette histoire. C'était mon pire cauchemar. Et je ne veux pas le croire. Je ne veux pas le croire que c'est ma vie. C'est encore pire de vivre. Je me mets à...